Section 20 de Compilation de pensées, textes et poésies de François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Tableau de la nature de François-René de Chateaubriand. 9. L'amour de la campagne. Que de ces prés l'émail plaît à mon cœur, que de ces bois l'ombrage m'intéresse. Quand je quittais cette onde enchanteresse, l'hiver régnait dans toute sa fureur. Et cependant, mes yeux demandaient ce rivage. Et cependant, d'ennui, de chagrin dévoré, au milieu des palais d'hommes froids, entourés, je regrettais partout mes amis du village. Mais le printemps me rend mes champs et mes beaux jours. Vous m'allez voir encore aux verdoyantes plaines. Assis nonchalamment auprès de vos fontaines, un tibule à la main, me nourrissant d'amour, fleuve de ces vallons, là, suivant tes détours, j'irai seul et content gravir ce mont paisible. Souvent tu me verras, inquiet et sensible, arrêté sur tes bords en regardant ton cours. J'y veux terminer ma carrière, rentrer dans la nuit des tombeaux, mon ombre, encore tranquille et solitaire, dans les forêts cherchera le repos. Au séjour des grandeurs, mon nom mourra sans gloire, mais il vivra longtemps sous les toits de roseaux. Mais, d'âge en âge, en gardant leurs troupeaux, des bergers attendris feront ma courte histoire. Notre ami, diront-ils, naquit sous ce berceau. Il commença sa vie à l'ombre de ses chênes. Il la passa couchée près de cette eau, et sous les fleurs, sa tombe est dans ses plaines. Fin de la section 20.